l'histoire d'un homme comme tant d'autres. Son histoire est banale. Ça commence en France, en plein cœur du merdier, au pays du fromage et des colabines. Sans motif. Ok, 41 000. Solo Mike. Minos, Joe Larsin. Y'a trop de tueurs qui cassent la baraque, j'en défonce le palais, j'ai besoin de personne, ni ta fusil pour m'épauler. J'ai soupçonné l'adultère de rendre l'humain polygame, reste polygame, mon but n'est pas de signer chez Polygram, cousin. Les temps sont durs, il faut faire face à la bêtise de l'homme. Toi t'es un mec hardcore qui prétend que les champs bêtises de l'eau. J'vends pas la rage, fais chier les français qui parlent arabe. J'aimerais viser un peu plus haut que des vacances à Palavas. J'vais dans la tombe l'ego trip, nique les falsards qui tombaient les gosses. J'fais pas des chansons d'amour juste pour soulager l'ego triste. Je ne connais que des gens neufs sans allure de psychopathe. Puis je me suis fait aller. Mieux vaut un ami que ses copains. Le rap me casse tellement les biens que j'en écoute du jeu d'assin. Dis-moi cousin, je veux t'apprendre bien des vacances chaud d'assin. Fini le gars qui s'habille mal. Ok, je ne veux pas l'allure d'un père qui plane au planning familial. Chier.